بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل قراءتنا ودراستنا بحول الله جل وعلا في هذا الكتاب، كتاب جامع الصحيح للإمام البخاري في كتاب التوحيد. وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، فذكر المصنف رحمه الله تعالى ألا وهو محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم. فسندرس بحول الله جل وعلا من خلال هذا الباب أو من خلال دراسة هذا الباب اسمين من أسماء الله جل جلاله، ألا وهو العزيز والحكيم. العزيز والحكيم. On va commencer, inshallah, sans plus attendre, inshallah, sur l'étude de ce nouveau chapitre dont on a commencé l'étude hier, dans la dernière assise. Et on avait dit donc, dans ce chapitre, on va étudier deux nouveaux noms, parmi les noms magnifiques et sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, en l'occurrence, Al-Azizu wa Al-Hakim. Al-Azizu wa Al-Hakim, le tout-puissant et le sage, une traduction relative et approximative du nom. Mais avec l'étude qu'on va faire, inchallah, on va mieux comprendre les spécificités et les choses importantes à connaître, inchallah, pour vraiment se rendre compte, avoir conscience ici de l'immensité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grandeur et la perfection de ses attributs, et aussi le fait qu'Allah jalla wa ala est celui qui détient les plus beaux noms et les noms sublimes et magnifiques. Et donc l'imam al-Bukhari donc a dans ce chapitre donc dédié ce chapitre à l'étude de ces deux noms sublimes qui sont Al-Azizu wa Al-Hakim. Et donc hier dans la dernière allocution, on avait commencé à expliquer le nom Al-Aziz, à travers le commentaire du grand savant Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah. Donc on avait commencé hein, d'abord l'étude de ce nom, de ce terme, par rapport à la langue arabe, au niveau linguistique, et au niveau de la linguistique arabe, le sens de Al-Aziz, le sens de Al-Aziz. Donc on avait évoqué l'origine du terme et du nom dans la langue arabe. On avait dit donc le nom Al-Aziz, le terme était pris ma'khudhun min azza, du verbe azza. Donc on avait, par rapport et à travers l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen, on avait expliqué le terme et l'origine du terme pour mieux comprendre les significations. Et pour mieux comprendre dans la langue arabe, l'origine du terme et le sens et la signification du terme. Ensuite, d'une manière plus religieuse, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit que les savants, ensuite on dit que Aizzatullah, donc la puissance d'Allah, donc le terme Aizza, dans le sens de, qu'on pourrait traduire d'une manière relative, hein, en français, Al-Aizza, c'est la gloire, l'honneur, la puissance. Donc Aizzatullah, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, est celui qui détient la puissance absolue et totale et parfaite. Et comme disait l'imam Qurtubi, Rahimallah, un grand imam, il disait que le sens du tout-puissant, c'est l'invincible, celui qui peut être atteint ni vaincu, c'est-à-dire celui qui ne peut être atteint ni vaincu. Donc Allah Jalla wa Ala, comme dit l'imam Al-Qurtubi, le sens de El-Aziz, c'est l'invincible. Pour cela, celui qui détient toute la gloire absolue, l'honneur, la puissance absolue et parfaite. C'est pour cela que le Tout-Puissant, le nom El-Aziz, sous-entend le Tout-Puissant, et aussi le glorieux par sa suprématie, par sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est vraiment l'essence pour bien comprendre ici le nom sublime d'Allah, Al-Aziz. Et donc, comme on avait déjà appris, chaque nom d'Allah, chaque nom sublime, dénote et sous-entend un attribut. Dénote et sous-entend un attribut. En l'occurrence, ici, l'attribut de Al-Izza. Al-Izza. Al-Izza, comme on l'a dit précédemment, qu'on pourrait traduire par la puissance. Al-Izza, c'est la puissance, c'est la gloire, c'est l'honneur absolu. Et donc, Cheikh Ibn Al-Athaymeen nous dit que Al-Izza, si vous avez compris le terme Al-Izza, Izzatullah tanqasimu ila thalathat aqsam. Et hier, on s'est arrêté sur ça. Donc, on va reprendre tout de suite sans plus attendre pour pouvoir avancer dans l'étude de ce chapitre qui est très important, comme vous allez le voir. Et donc, on s'est arrêté sur ça et il nous restait, pour notre part, de traduire. De traduire ces trois catégories, puisque Cheikh Ibn Al-Athaymeen dit donc que, maintenant on peut rester sur le terme en arabe puisqu'on l'a bien explicité, hein, on a donné des sens en français. Donc, Izzatullah, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il faut comprendre qu'il y a trois sortes, en quelque sorte, trois catégories. Et il dit ce qu'on appelle Izzatul Qadr, wa Izzatul Qahr, wa Izzatul Imtina'. Donc la première c'est Izzatul Qadr, la deuxième c'est Izzatul Qahr, et la troisième c'est Izzatul Imtina'. Donc vous avez pu remarquer que j'ai bien insisté sur les trois catégories et les trois sortes en arabe. Donc Cheikh Ibn Al-Thaymeen, après qu'il nous ait cité ces trois sortes, je vais vous les traduire pour bien qu'on puisse concevoir la question. Donc Cheikh Ibn Al-Thaymeen nous dit d'abord, il y a ce qu'on appelle Izzatul Qadr. Izzatul Qadr, comment on pourrait le traduire et comment on pourrait l'expliquer? Izzatul Qadr, c'est la puissance liée à la grandeur. C'est la puissance qui est rattachée à la grandeur. C'est pour ça, d'une manière relative et littérale, d'une manière littérale, on va dire la puissance de la grandeur, si vous voulez. Donc la première catégorie, la puissance liée à la grandeur ou de la grandeur. Bimarna, dans le sens, la signification de cela, le cheikh nous explique en disant « En Allah Azza wa Jal dhu qadrin aziz la nadhira lah » C'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, est celui qui possède cette puissance ici par excellence. Et Allah, Jalla wa Ala, n'a pas de semblable et n'a pas d'égal dans cela. Il est unique dans la possession de cette puissance et dans cette détention de cette puissance absolue et parfaite et infinie. Et donc Allah Jalla wa Ala est le détenteur justement de Al-Izza, est le détenteur de cette puissance et de cette gloire absolue. Wala nadhira lah. Et Allah Jalla wa Ala n'a pas d'égal et n'a pas de semblable dans cela. C'est pour ça que cette première catégorie, on l'appelle Izzatul Qadr, la puissance liée à la grandeur, la puissance de la grandeur. Deuxième catégorie que nous dit Cheikh Ibn Al-Thaymeen ici, Al-Thani, il dit Izzatul Qahr. Izzatul Qahr, quelle est-elle celle-ci? C'est dans le sens de la puissance liée à la domination. Donc on pourrait la traduire, la deuxième catégorie ici, la puissance de domination. Izzatul Qahr. Donc vous avez vu là, c'est des traductions qu'on appelle littérales. Donc c'est une traduction littérale. Et la signification de cela, c'est-à-dire, Izzatul Ghalaba, fa innahu subhanahu. Et donc, de fait, la puissance de domination, c'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, est celui qui domine, et rien ne peut le dominer, subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut être, Allah Jalla wa Ala, ne peut être atteint ni vaincu, comme l'a expliqué l'imam Al-Qurtubi dans son explication du nom Al-Aziz. C'est pour cela qu'Allah Jalla wa Ala ne peut être vaincu. Allah est celui qui est le vainqueur. Et Allah, Jalla wa Ala, est celui qui domine. C'est pour cela que rien ni personne ne peut le dominer ni le vaincre, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que sa toute puissance dénote ici la domination. Allah domine tout et Allah, Jalla wa Ala, est le dominateur par excellence, Jalla Jalalu. Ensuite, la troisième catégorie que, et la troisième sorte que cite Cheikh Ibn Al-Thaymin, la troisième sorte de puissance, il dit Izzatul Imtina'. Donc, une traduction littérale ici, Izzatul Imtina'. C'est la puissance liée à l'impossibilité, à l'inaccessibilité, à lier, on va dire l'imtina'. C'est l'impossibilité, l'inaccessibilité, si vous voulez. Et dans le sens que marnaha, an yamtani'a an yanalahu naqsun ou fi ayyi shay'in min sifati. Marnaha, an yamtani'a an yanalahu naqsun fi ayyi shay'in min sifati. من صفاته امتناع النقص على الله عز وجل وهذا معناه عزة الامتناع. Quel est le sens et la signification de ce qu'on appelle عزة الامتناع, la puissance liée à l'impossibilité ou l'inaccessibilité si vous voulez. Le sens de cela c'est que il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit touché par une quelque forme de d'imperfection ou de diminution ou ce qu'on appelle un naqs, de déficience. Donc cela est impossible au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de transcendance, on dit la transcendance d'Allah englobe le rejet de tout attribut contraire à la perfection. Pourquoi? Parce qu'il est impossible, comme on l'a dit dans les assises précédentes, et dans les cours précédents, qu'Allah Jalla wa Ala, il est impossible qu'une imperfection l'atteigne. Et c'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire Allah Jalla wa Ala par une imperfection. Puisqu'Allah Jalla wa Ala est exempt de toute forme d'imperfection, de manquement, de diminution, de déficience ou autre. Et c'est pour cela que la transcendance d'Allah Jalla wa Ala, elle englobe le rejet de tout attribut contraire à la perfection. Contraire à la perfection. Comme par exemple le fait d'avoir associé ou donné un semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire le fait qu'Allah Jalla wa Ala aurait un associé ou bien un égal ou bien un semblable, cela est une imperfection. Et cela est ce qu'on appelle en arabe un naqs. Et donc cela est impossible au sujet d'Allah Jalla wa Ala. La transcendance d'Allah englobe le rejet, ce qu'il faut savoir, c'est que ça englobe le rejet de tout attribut contraire à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que la transcendance, qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est au-delà du perceptible et des possibilités de l'intelligible. La transcendance, qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est au-delà, au-dessus du perceptible. Et de ce fait, Allah Jalla wa Ala est exemple, on comprend, de toute forme d'imperfection. Et tous ces noms sublimes dénotent ici la perfection d'Allah Jalla wa Ala, ainsi que ses attributs. Pour ça, on les appelle les attributs de perfection. Et donc, cette troisième sorte, c'est ce qu'on appelle Izzatul Imtina'. Et de ce fait, donc, maintenant, on a compris les trois sortes qu'a mentionné Cheikh Ibn Al-Thaymin. Donc, on les répète, il a mentionné Izzatul Qadr, Izzatul Qahr, et de ce fait, à présent, on a pu les comprendre ici après l'explication des significations. À présent, on comprend donc le nom d'Allah Jalla wa Ala, Al-Aziz, désigne ici le Tout-Puissant, comme souvent il est traduit. Mais pas seulement. Il désigne aussi, comme on l'a dit précédemment, qu'il est le glorieux par sa suprématie, par sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, on comprend qu'Allah Jalla wa Ala a l'invincibilité. Allah est l'invincible, comme on l'a évoqué tout à l'heure par rapport à l'explication de l'imam Al-Qurtubi, du nom de Al-Aziz. Donc l'invincible, celui qui peut être atteint, ni vaincu. Donc Allah Jalla wa Ala est celui qui est le grand dominateur. Allah domine tout. Et Allah est le glorieux, comme on a dit précédemment, par sa suprématie et par sa grandeur, Jalla, Jalalu. Et ce qu'on peut remarquer, et ce qui va vraiment donner du sens et rajouter du sens à cela, c'est que dans le Coran, souvent, il y a l'association de ces deux noms. Remarquez bien et constatez bien. Après observation, on peut constater qu'il y a souvent l'association du nom sublime et magnifique d'Allah, El-Azizu, le Tout-Puissant, avec les différents sens qu'on a évoqués dans ce qui a précédé, et El-Hakimu, qu'on va étudier maintenant. El-Hakim, qu'on traduit de manière générale, hein, et littérale, le sage. Et ceux qui observent dans le Coran, vous pouvez constater que souvent, le nom El-Aziz, il a été associé et lié et joint avec le nom El-Hakim. Et ça, c'est une précision qui est très importante. C'est une subtilité qu'il faut comprendre et connaître. Ça rajoute vraiment du sens à cette étude. Regardez, souvent, dans le Coran, le nom El-Aziz est cité avec El-Hakim, avec le sage, d'une manière conjointe. Donc, ils sont mentionnés et évoqués d'une manière conjointe, c'est-à-dire conjointement. Et cela indique quoi? Indique quelque chose d'immense. C'est qu'Allah Jalla wa Ala, lorsqu'il nous enseigne et nous informe à son sujet qu'il est le Tout-Puissant, Subhanahu wa Ta'ala, en même temps, il nous rassure en quelque sorte sur le fait que celui qui est le Tout-Puissant, le Glorieux, par sa suprématie et sa grandeur, détient la sagesse. Il détient la sagesse absolue, Subhanahu wa Ta'ala. Donc c'est une puissance et une gloire, une suprématie liée à une sagesse immense et infinie. Et c'est cette sagesse, et c'est le nom El-Hakim, maintenant, qu'on va essayer de comprendre dans l'explication qui va arriver, Inch'Allah. C'est pour cela que dans son commentaire, maintenant, Cheikh Ibn Al-Thaymin, il va nous expliquer ici maintenant le sens du nom sublime El-Hakim. Comme on a dit précédemment, qui fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on vient de mentionner que donc Al-Aziz ou Al-Hakim sont souvent mentionnés d'une manière conjointe dans le Coran. Et c'est donc quelque chose à méditer. Et pour mieux comprendre maintenant cette sorte d'association au niveau de ces termes, on va essayer d'expliquer le nom Al-Hakim. Al-Hakim. Et de là, on voit que lui-même, l'imam Al-Bukhari, a été fidèle. Lorsqu'il a mentionné cela dans son chapitre, il a laissé cette sorte d'association, le fait qu'il y ait l'association souvent entre le nom Al-Aziz ou Al-Hakim. Donc il a mentionné dans un premier temps, le verset 4 de la sourate Ibrahim, où il y a la mention des deux noms. On voit que Al-Aziz est mentionné et joint avec Al-Hakim. Donc ils sont mentionnés d'une manière conjointe. Et pour mieux comprendre donc cette association des deux noms, il faut comprendre maintenant le nom Al-Hakim. Donc c'est pour ça que c'était pertinent que, dans un premier temps, l'imam Al-Bukhari, lui, le premier verset qu'il a mentionné, et dans ce chapitre justement, il le dédie à l'explication du nom Al-Aziz ou Al-Hakim. Et donc ce chapitre donc est dédié à l'étude de ces deux noms. Ces deux noms qui sont souvent mentionnés ensemble dans le Coran. Et aussi, Cheikh Ibn Al-Thaymin, pour cela, il nous a bien expliqué le nom El-Aziz. Et maintenant, il va nous expliquer d'une manière bien approfondie le nom El-Hakim, pour qu'on puisse comprendre vraiment l'essence et les significations de ces noms. Et donc ça, ensuite, ça va avoir un effet, un impact, bien sûr, sur la croyance et sur la foi, hein, du croyant et de la croyante. C'est pour ça que ça c'est très important. Et aussi, vous pouvez aussi observer, pour ceux qui ont observé, qui ont médité, en ce qui concerne le nom El-Aziz, le Tout-Puissant, certains ont observé dans le Coran, et ils ont trouvé que le nom El-Aziz a été mentionné plus de 90 fois dans le Coran. Certains mentionnent, d'une manière plus précise, 92 fois dans le Coran, où il y a la mention du nom El-Aziz, El-Aziz. Et ça dénote bien l'importance de ce nom. Et c'est pour cela que le croyant, lorsqu'il va vraiment être conscient que son Seigneur, il va avoir la connaissance que son Seigneur est le Tout-Puissant et que son Seigneur est le Glorieux par sa suprématie et par sa grandeur et qu'Allah Jalla wa Ala est le Dominant et qu'Allah Jalla wa Ala est exempt de toute forme d'imperfection. Allah, rien ne peut le vaincre, Subhanahu wa Ta'ala. Et donc, sa transcendance d'Allah englobe le rejet de tout attribut contraire à sa perfection. Lorsqu'on se rend compte réellement de la puissance d'Allah et qu'Allah Jalla wa Ala est le glorieux, alors de ce fait, le croyant va s'en remettre complètement à son Seigneur et ça va le rassurer. Et le fait de savoir qu'Allah Jalla wa Ala est l'allié des croyants et que cet allié, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le tout-puissant, il a le pouvoir sur tout Allah Jalla wa Ala. C'est ça lorsqu'on dit qu'il est Al-Aziz, le fait qu'Allah Jalla wa Ala a ce nom. Le tout-puissant, c'est-à-dire ça dénote son omnipuissance, et donc ça dénote le fait qu'il a le pouvoir sur tout Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qu'Allah jalla wa ala est son allié, alors il ne craint rien. Et il sait qu'en n'importe quelle circonstance, il peut s'en remettre à Allah jalla wa ala, puisqu'Allah jalla wa ala est celui qui a le pouvoir sur tout. Donc regardez l'impact que ça a lorsque le croyant, il apprend cela, il a conscience de cela. Malgré que la réelle puissance d'Allah est au-delà de tout ce qui est perceptible et des possibilités aussi de l'intelligible, mais lorsque le croyant a conscience qu'Allah Jalla wa Ala détient ce pouvoir absolu sur toutes ses créatures, alors il va s'en remettre complètement à lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'à l'époque, on avait une très belle parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, le deuxième calife, ce grand compagnon, parmi les meilleurs compagnons du prophète, il disait, celui qui cherche la gloire auprès d'un autre qu'Allah, jalla wa ala, Allah le rabaissera. Regardez, ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, il disait une très belle parole. Il disait, nahnu qawmun a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala bil Islam. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation, qu'Allah Jalla wa Ala a donné la gloire et la puissance avec l'islam. Celui qui recherchera la gloire et la puissance dans autre que l'islam, Allah le rabaissera. Man ibtara al-izzata bighayri l'islam, adhallahu Allah. Allah le rabaissera, celui qui cherchera la gloire et l'honneur et la puissance dans autre que l'islam. C'est pour ça qu'on voit dans les générations précédentes, dans les siècles précédents, c'est pour ça que il est bon pour le musulman de lire dans l'histoire. Par contre, avant de pouvoir lire dans l'histoire et avoir accès aux livres d'histoire, il faut vraiment avoir une croyance ferme et résolue et une bonne connaissance de la croyance. L'insan labud an yakun عالما أن يكون عالما بمعتقد وبعقيدة أهل السنة والجماعة. La personne doit vraiment avoir une connaissance approfondie concernant la croyance des gens de la Sunna et du consensus, la croyance de l'islam, cette croyance que nous a enseigné le prophète sallam. Et de ce fait, lorsqu'il va lire dans les livres d'histoire, lorsqu'il va lire l'histoire des différentes dynasties et empires qui nous ont précédés, lorsqu'il va lire l'histoire de ceux qui, lorsque réellement ils se sont attachés à cette religion, ils ont cherché la fierté, la puissance et la gloire dans cette religion, eh bien vous allez voir comment Allah Jalla wa Ala a élevé ses peuples, a élevé ses gens, a élevé ses nations. Et lorsque aussi vous allez voir des exemples de gens qui ont cherché la gloire et la puissance dans autre que l'islam, vous allez voir qu'ensuite la finalité, c'est qu'Allah Jalla wa Ala les a rabaissés et avilis. C'est pour ça que il est important, lorsqu'on a une bonne connaissance de la croyance, ensuite de lire dans l'histoire et l'histoire des différents empires qui nous ont précédés, pour voir un peu les gens, comment Allah Jalla wa Ala les a élevés vraiment lorsqu'ils s'en sont remis à lui entièrement. Et donc, lorsqu'on sait que notre Seigneur est le Tout-Puissant, alors, le musulman et la musulmane ne veulent que être alliés de ce tout-puissant. Pour ça, lorsqu'Allah Jalla wa Ala nous dit qu'il est l'allié des pieux et des vertueux, alors là, c'est une grande annonce. Le tout-puissant, celui qui a le pouvoir absolu sur toutes ses créatures, hein, celui qui régit cet univers et allié de ses créatures, alors là, c'est l'une des plus grandes annonces. Allah est le plus grand allié, subhanahu wa ta'ala. Et à partir de là, on comprend bien cette caractéristique et cette description des croyants, de ceux qui ont réelle connaissance de leur Seigneur, lorsqu'Allah Jalla wa Ala dit « Wa idha dhukar Allah, wajilat quloubuhum. Wa idha dhukar Allah, Regardez comment est-ce qu'Allah Jalla wa Ala décrit les croyants dans son livre. Il dit que lorsque Allah leur est évoqué, leur cœur frémisse, une traduction relative. Regardez, leur cœur frémisse à la simple mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la simple mention, ils entendent l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors leur cœur frémisse. Ils frémissent. Et regardez, ce sont les gens qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les gens qui ont conscience de la puissance absolue d'Allah, de la grandeur d'Allah, du pouvoir absolu d'Allah sur ses créatures et sur cet univers. Qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui donne la royauté à qui il veut. Pour ça, dans un verset, Allah Jalla wa Ala le dit. Il est celui qui donne la royauté à qui il veut. Il est celui qui ôte, qui reprend la royauté à qui il veut. Donc regardez, la royauté, on la cherche auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Tu donnes, تؤتي الملك ممن تشاء. Tu donnes la royauté à qui tu veux. وتنزع الملك ممن تشاء. Et tu retires, ôtes la royauté à qui tu veux. Puisqu'Allah Jalla wa Ala est le détenteur de la royauté. Il est le souverain absolu. Donc maintenant, vous voyez le lien qu'il y a entre le chapitre précédent et ce chapitre. Si, donc il y a un lien. Allah Jalla wa Ala, on a appris précédemment qu'il est le souverain absolu. Et du fait qu'il est le souverain absolu, c'est lui qui donne cette royauté et le pouvoir à qui il veut. Puisqu'Allah Jalla wa Ala détient le pouvoir absolu. Donc il le donne à qui il veut. Et il ôte ce pouvoir à qui il veut. Regardez comment est-ce qu'il a donné du pouvoir, par exemple, à des êtres bien-aimés, à des prophètes, à des messagers. Regardez le pouvoir qu'Allah Jalla wa Ala avait donné à Daoud. Alayhi salam, au prophète Daoud. Regardez le pouvoir qu'avait le prophète Suleyman, qui était le fils de Daoud. Regardez le pouvoir qu'ils avaient sur terre. Regardez, il avait les djinns et des animaux à son service, Suleyman. Il avait d'autres pouvoirs. Donc regardez, Allah Jalla wa Ala a donné la royauté à des gens. Et il enlève la royauté à qui il veut. Puisqu'Allah Jalla wa Ala est celui qui détient cette royauté par excellence. Il a la royauté d'une manière absolue et le pouvoir absolu. Regardez, c'est pour cela qu'on observe qu'Allah Jalla wa Ala décrit les croyants en disant que lorsqu'Allah leur est simplement évoqué, à la simple mention et évocation d'Allah, وَإِذَا ذُكَرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, leur cœur frémisse à l'évocation d'Allah parce qu'ils connaissent l'immensité, la grandeur et la majesté et la magnificence de leur créateur, subhanahu wa ta'ala. Mais sachez aussi qu'Allah Jalla wa Ala, en étant le Tout-Puissant, en étant celui qui détient, il est le détenteur du pouvoir absolu, Allah Jalla wa Ala est le sage. Il détient cette sagesse infinie, cette sagesse parfaite. Contrairement sur Terre, par exemple, des personnes qui pourraient avoir un pouvoir qui est limité et restreint, des gens sur Terre qui ont un pouvoir, mais sans sagesse. Il y a des gens sur Terre qui ont un pouvoir qui est limité, qui n'est pas absolu, qui est incomparable avec le pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais ce pouvoir-là, il n'est pas accompagné de la sagesse. C'est pour cela que certains qui ont ce pouvoir, comme on a dit, ils ne sont pas sages. Tandis qu'Allah Jalla wa Ala, sa perfection fait qu'Allah Jalla wa Ala est le détenteur du pouvoir aussi bien absolu, d'une manière absolue et totale, du fait qu'il a l'emprise, comme on a dit dans le chapitre précédent, regardez, tout est lié, qu'il a l'emprise et le contrôle total sur ses serviteurs et sur ses créatures. De même, Allah Jalla wa Ala nous rassure, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous enseigne qu'il est Al-Hakim. Donc, quel est le sens de Al-Hakim? Cheikh Al-Uthaymeen, pour résumer, parce que vraiment, Cheikh Al-Uthaymeen va détailler d'une manière linguistique, il va même rentrer ici et essayer de pénétrer dans la conjugaison arabe, pour vraiment donner un sens et expliquer une signification et la signification véritable et réelle du terme. Donc vraiment, il va expliquer d'une manière linguistique, avec la conjugaison arabe. Donc il va vraiment rentrer dans la linguistique arabe pour expliquer le terme Al-Hakim. On va résumer. En d'autres termes, Cheikh Al-Uthaymeen, pour résumer, nous dit que Al-Hakim, idan, mushtaqqa min al-hikmati wa mushtaqqa min al-hukm. Thumma naqul al-hukm ay hukmullahi سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، حكم كوني وحكم شرعي. وحكم شرعي tout simplement et d'une manière simplifiée, cela veut dire que Al-Hakim, le nom et le terme Al-Hakim est à son origine, il est dérivé, si vous voulez, du terme Al-Hikma. Donc l'origine du terme Al-Hakim, c'est Al-Hikma. Et Al-Hikma, c'est, comme vous le savez, hein, c'est la sagesse. Wa mushtaqqa min al-hukm. Et c'est aussi un dérivé du terme Al-Hukm. Al-Hukm, en quelque sorte, c'est le jugement, de manière relative. Donc on voit que l'origine du terme Al-Hakim, de ce nom, l'origine c'est Al-Hikma ou Al-Hukm. Donc on a deux termes maintenant, et Cheikh Ibn Uthaymeen va vraiment insister sur les deux termes. Aussi bien Al-Hikma et aussi bien Al-Hukm en arabe. Donc ces deux termes dont il va insister dessus, c'est la sagesse et le jugement. La sagesse et le jugement. ثُمَّ نَقُولُ. De ce fait, il va dire, de ce nom Al-Hakim, donc Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer, découle de cela aussi bien la sagesse que le jugement. Et le jugement se divise en deux catégories. Il y a deux formes et deux sortes de jugement. Il va nous dire qu'il y a un jugement, un hukm, un ordre, un jugement qui est universel et un jugement qui est religieux. Et ça, c'est très important de le comprendre. Il va nous dire, par exemple, al-hukm shara'i, le jugement religieux, par exemple, c'est comme dans la sourate al-mumtahana. La sourate al-mumtahana, lorsqu'Allah dit « ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ » Et voici, celui-ci est le jugement d'Allah. Il juge entre vous. Une traduction relative. C'est-à-dire qu'Allah, Jalla wa Ala, ici dans ce verset, fait allusion à son jugement, à son hukm. Et Cheikh Ibn Uthaymeen veut nous expliquer ici que ce qui est sous-entendu dans ce verset, le jugement sous-entendu, c'est le jugement religieux. Parce qu'il faudra bien faire la distinction entre un jugement religieux et universel, comme on va le voir. Par contre, dans l'autre verset, dans la sourate Yusuf, le verset 80, lorsque, à la fin du verset, il est dit, au yahkum Allahu li, au yahkum Allahu li, jusqu'à ce qu'Allah juge, hein, dans le sens, jusqu'à ce qu'Allah décrète. Jusqu'à ce qu'Allah décrète. Ce qu'il faut juste retenir pour que ça soit simple, hein, d'une manière très simple, c'est qu'il y a un jugement qui est universel et un jugement qui est religieux. Et je vais simplifier pour que vous puissiez bien comprendre, que ce soit accessible à tout le monde. Après qu'on ait dit d'abord ce que nous explique Cheikh Ibn Uthaymeen, qu'il nous dit que aussi bien ce jugement qui est universel que le jugement religieux, ces deux jugements sont liés à une sagesse infinie. Donc, al-hikmatu takun fil hukm al-kawni wa fil hukm al-shar'i. فَمَا مِنْ حُكْمٍ كَوْنِي إِلَّا وَلَهُ حِكْمَةٍ وَمَا مِنْ حُكْمٍ شَرْعِي إِلَّا وَلَهُ حِكْمَةٍ لِأَنَّ الْحُكْمَ الشَّرْعِي بِدُونِ حِكْمَةٍ أَوْ الْكَوْنِي بِدُونِ حِكْمَةٍ سَفَهٌ وَاللَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ السَّفَهِ أَوْ اللَّغُو وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى مُنَزَّهٌ عَنِ اللَّغُو إِذًا مَا مِنْ حُكْمٍ كَوْنِي أَوْ شَرْعِي إلا وله حكمة ولكن هل يلزم من كونه ذا حكمة أن تكون الحكمة معلومة لنا قال لا وما أكثر الأحكام الكونية والأحكام الشرعية التي تخفى علينا حكمتها إما خفاء نسبيا إما خفاء نسبيا بأن تخفى على بعض من دون بعض بأن تخفى على بعض دون بعض أو خفاء حقيقيا على كل أحد فصار الحكم قسمين كوني وشرعي والحكمة تكون في الكون وتكون في الشرعي والحكمة أيضا تنقسم إلى قسمين حكمة حالية وحكمة غائية أعيد الحكمة أيضا تنقسم إلى قسمين حكمة حالية وحكمة غائية وحكمة حالية بمعنى كون الشيء على هذه الحال حكمة وحكمة غائية بأن يكون المقصود من هذا الشيء حكمة بالغة وثمرات جليلة وثمرات جليلة. Donc ensuite là, on a lu la partie en arabe pour avancer. Maintenant, on va l'expliquer d'une manière très simple. Donc on a dit qu'il y avait deux jugements. Il y a le jugement universel et le jugement religieux. Et ces deux jugements sont liés et rattachés à une sagesse infinie. Aussi bien le jugement religieux est lié à une sagesse que le jugement universel est lié à une sagesse infinie. De ce fait, il n'y a pas de jugement religieux sans sagesse, sans que celui-ci soit lié à une sagesse infinie. Et il n'y a pas de jugement universel sans que celui-ci soit lié à une sagesse infinie et absolue. De ce fait, pour bien comprendre lorsqu'on parle de jugement universel et religieux, bon, en d'autres termes, pour faire très simple, ce qu'il faut comprendre, le musulman doit retenir très simplement, ce qu'il faut qu'il retienne, c'est qu'il n'y a rien qui puisse exister. Regardez bien. Il n'y a rien qui puisse exister ou se dérouler sans qu'Allah soit à l'origine de tout cela. Donc, il n'y a rien qui puisse exister ou se dérouler dans cet univers, dans ce monde, sans qu'Allah Jalla wa'ala soit à l'origine. Pourquoi ? Parce qu'Allah Jalla wa'ala, il est aussi bien le créateur de ce monde, il est le possesseur de ce monde, donc il en est le souverain, comme on l'a appris précédemment, mais aussi Allah Jalla wa'ala en est le régisseur, subhanahu wa ta'ala. Et donc, rien peut exister et ni se dérouler dans cet univers sans qu'Allah Jalla wa'ala soit à l'origine. Par exemple, que ce soit l'existence, que ce soit la vie, par exemple, que ce soit le bien, par exemple, que ce soit le mal, par exemple, que ce soit l'associationnisme, par exemple, que ce soit l'unicité et autres, ils existent parce qu'Allah Jalla wa'ala l'a voulu et parce qu'Allah Jalla wa'ala a prédestiné tout cela. Cela n'aurait pu exister sans qu'Allah Jalla wa'ala le veuille et sans qu'Allah Jalla wa'ala l'ait décrété et prédestiné. Donc ces choses-là ne peuvent exister dans son royaume par la volonté d'un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc, en résumé, toute chose concrète, ou bien toute chose abstraite, ou bien toute chose positive ou négative, représente des intérêts qui sont importants pour les créatures. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et en d'autres termes, on peut résumer, avec une parole qui est célèbre, on peut résumer, ce qu'Allah veut s'accomplit, et ce qu'il ne veut pas ne peut s'accomplir. Regardez, ce qu'Allah veut s'accomplit, par contre ce qu'il ne veut pas, ce qu'il n'a pas décrété et ce qu'il n'a pas voulu, ne peut s'accomplir. Ça ne pourra jamais s'accomplir. Donc ça c'est le côté universel. Vous avez d'une manière universelle, eh ben, il y a l'existence par exemple, on a dit la vie, la mort, le bien, aussi bien le mal, aussi bien le mal, l'associationnisme, l'unicité, tout ce qui se produit sur terre, dans ce royaume, dans cet univers, Allah Jalla wa'ala en est le grand régisseur et Allah Jalla wa'ala a tout prédestiné et a tout permis. Il est celui qui l'a permis cela d'une manière universelle. D'une manière universelle. Par contre, maintenant, il y a le jugement et l'ordre d'Allah, sa volonté aussi, religieuse. Et donc, d'une manière religieuse, regardez la différence, c'est que d'une manière religieuse, il y a des choses qui peuvent se produire dans cet univers, et comme on a dit précédemment, d'une manière universelle, telle que le mal, par exemple, telle que la mécréance, telle que la désobéissance, telle que, par exemple, l'injustice, ça, c'est d'une manière universelle, qu'Allah a permis ces choses, d'une manière universelle. Sauf que religieusement, Allah les a interdites. Allah les a interdites. Subhanahu wa ta'ala. Allah en a interdit toute pratique, par exemple, de l'injustice. Et Allah, par exemple, déteste l'injustice. Et par exemple, l'injustice, ça suscite sa colère. Par contre, au niveau universel, si à ce niveau-là, au niveau de sa volonté universelle, il ne peut y avoir dans son royaume que ce qu'il veut, il faut savoir qu'au niveau de sa volonté religieuse, il peut y avoir dans son royaume que ce, ou plutôt, il ne peut y avoir dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Et ça, c'est très important à le savoir. Donc, au niveau de sa volonté universelle, il peut y avoir dans son royaume et dans cet univers que ce qu'il veut. Je vous le répète pour bien que vous puissiez comprendre qu'au niveau de la volonté universelle, il ne peut y avoir dans son royaume que ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas y avoir des choses qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu. Parce que cela dénoterait une imperfection. Donc il ne peut se passer des choses dans son royaume qu'Allah Jalla wa Ala n'a pas voulu. Donc, d'une manière universelle, il ne peut pas se passer dans son royaume des choses qu'il n'a pas voulu. Par contre, au niveau de la volonté religieuse, il peut y avoir dans son royaume ce qu'il ne veut pas. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. Et donc, ça, c'est pour bien qu'on puisse comprendre lorsqu'on parle de jugement universel et de jugement religieux. Donc, une fois qu'on a compris qu'il y a l'ordre universel et l'ordre religieux, maintenant, sachez que aussi bien l'ordre universel que religieux est lié à une sagesse immense et infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une sagesse qui est immense. Pourquoi? Parce que Cheikh nous dit que rien ne se produit dans cet univers sans qu'il y ait une sagesse. Par exemple, même si il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses dont notre conception est limitée et notre raison est limitée. Donc, il y a des choses que parfois on ne va pas concevoir et connaître les sagesses. Mais sachez qu'il y a une sagesse en tout. Allah Jalla Wala, tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il a prédestiné, tout ce qu'il a ordonné, tout ce qu'il a commandé, tout ce qu'il a décrété, il y a une sagesse absolue et infinie de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si on l'ignore, cette sagesse. C'est pour cela que, regardez, Cheikh Ibn Al-Thaymin, ici, il émet une question, une interrogation. Il dit, Ma min hukmin kawni au shara'i illa wa lahu hikma. Lorsqu'il nous dit qu'il n'y aura pas d'ordre ou de jugement universel ou bien religieux sans qu'il y ait une sagesse. Lakin hal yalzam min kawnihi dha hikma an takuna al-hikmatu ma'lumatan lana. Mais du fait qu'il y a une sagesse, et rien ne se produit dans cet univers sans qu'il y ait une sagesse, une raison auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est infinie. Est-ce que cela implique qu'on en ait forcément la connaissance? Il dit là, non. Du fait que notre conception et notre raison est limitée, donc parfois on ne va pas en avoir la connaissance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une sagesse infinie. Tout ce qui se passe sur Terre, sachez, et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un bon soupçon et une bonne pensée envers son Seigneur, c'est qu'il y a une sagesse infinie. Pourquoi? Parce que s'il se passe des choses dans cet univers, sans qu'il y ait une sagesse, sans qu'il y ait une raison, sans qu'il y ait un but, un objectif, alors ça voudrait dire qu'il se passe des choses dans cet univers sans qu'il y ait une pertinence, des choses qui se passent mais en vain, sans qu'il y ait un but, des choses qui ne sont pas pertinentes. Et ça, c'est impossible. Allah est exempté de toute forme d'imperfection. C'est impossible qu'Allah Jalla wa Ala ait décrété des choses qui se passent dans cet univers sans que ça soit lié une sagesse et un objectif bien précis. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait des choses qui seraient vaines, dénuées de tout but et de raison. Donc des choses non pertinentes. Et cela est impossible. Vous avez compris lorsqu'on a parlé tout à l'heure de Izzatu al-Imtinar, cette gloire et cette puissance dans le sens de l'impossibilité, c'est-à-dire qu'il est impossible qu'une imperfection soit attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris lorsqu'on a parlé de la transcendance d'Allah, Jalla wa ala, qu'elle englobe le rejet de tout attribut contraire à la perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, une fois qu'il a compris cela, je vous le résume en deux mots. Il faut savoir que chaque chose qui se produit dans cet univers, que ça soit des choses à nos yeux qui soient bonnes ou mauvaises, sachez qu'il y a une sagesse immense. Et il y a un but dans cela. C'est ça qu'il faut retenir. À partir du moment que le musulman a compris cela, donc voilà en clair ce qu'il faut retenir. Il faut retenir, et après après ce cours, après cette allocution, on doit juste retenir ici, de ce cours, que tout ce qui se produit dans cet univers, que ce soit d'une manière universelle ou bien religieuse, il y a une sagesse. Cette sagesse, parfois, on peut la concevoir, et parfois, on peut ne pas la concevoir. C'est pour cela que regardez maintenant Cheikh Ibn Al-Athaymeen, il va nous donner des exemples et on va essayer de terminer avec les exemples de Cheikh Ibn Al-Athaymeen pour qu'on puisse bien se quitter avec une bonne compréhension de cela. Et vraiment, ça va vraiment nous avancer et nous profiter. C'est vraiment quelque chose de bénéfique que nous enseigne le Cheikh ici pour bien comprendre comment Allah Jalla wa Ala gère cet univers et comment il régit cet univers, comment il administre cet univers. Et que chaque chose qui se produit dans cet univers, eh ben, il y a une sagesse, il y a un but. Et parfois, seul Allah, Jalla wa Ala, en a la connaissance de cela. Ça fait partie des mystères. Et regardez, d'où encore l'importance qu'on a étudiée dans les chapitres et dans les allocutions précédentes, le fait qu'il y a les clés du mystère, les clés de l'inconnu et de l'invisible, et que celles-ci n'appartiennent qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Cette sagesse-là, regardez, lorsqu'on a compris que rien ne se passe dans cet univers, sans qu'il y ait une sagesse, Cheikh Ibn Al-Athaymeen nous dit, mais il faut bien comprendre qu'il y a deux formes de sagesse. Pour bien comprendre cela, il va nous dire que parfois, il y a une sagesse qu'on appelle hikmatun haliya en arabe. Hikmatun haliya. Il y a une sagesse qui est sur l'instant même. Et il y a une deuxième forme de sagesse, pour avoir une bonne conception de la sagesse, une sagesse qu'on appelle en arabe hikmatun raiya. C'est une sagesse liée à l'objectif et au but. En d'autres termes, c'est très simple à comprendre. Parfois, il y a une chose qui se produit en elle-même, à l'instant même. Il y a une chose en elle-même, il y a une sagesse. Il y a une sagesse en elle-même, dans l'essence même de cette chose-là, et l'entité même de cette chose-là, il y a une sagesse qui est immense. Et cette sagesse, elle est sur l'instant. C'est pour ça qu'on appelle ça hikmatun haliya. Par contre, il y a une deuxième forme de sagesse. Parfois, il dit hikmatun raiya, c'est quoi? Bi an yakun al maqsoud min hadha shay hikmatun baligha. C'est-à-dire que la sagesse, parfois, elle n'est pas sur l'essence même de la chose ou sur l'instant même, mais c'est par rapport au but et à l'objectif, par rapport à ce qui est visé et voulu de cette chose-là. C'est-à-dire de cette chose, il y aura des fruits et des conséquences. Et bien, les conséquences de cette chose, l'objectif, c'est il y a une sagesse. Donc, parfois, ce n'est pas sur l'instant. Mais parfois, il y a une sagesse qui est voulue, si vous voulez. C'est-à-dire que l'objectif est la sagesse. Donc, considérez bien ces deux choses-là. Et de ce fait, vous allez bien comprendre ensuite les exemples que va nous donner Shir. Bon, pour bien illustrer cela et pour nous faire bien comprendre le sujet, Shir va illustrer ensuite avec des exemples. Et lui, pour sa part, Cheikh Ibn Al-Athaymeen insiste bien sur cela dans son explication et son commentaire. Il insiste bien en disant, en fait, al-hikmatu qismayn, hikmatun haliya, yani al-hal allati yakunu alayha al-shay, yakun mutabaqan lil-hikma, yakun mutabaqan lil-hikmati, wa hikmatun ghaiya, yani yuradu bihi ghayatun hamida, wa ana hadha fayakun al-hukmu al-kawniyu fihi al-hikma bi wajhayha. الحكم الشرعي فيه الحكمة بوجهيها بوجهيها فالحكم الكوني الذي يحكم الله به على العباد له حكمة وكونها على هذا الوجه هذا حكمة وكونه له آية حميدة هذا له حكمة أخرى. Donc, أعيد الكلام. هذا كلام جميل للشيخ ابن العثيمين يقول على هذا فيكون الحكم الكوني فيه الحكمة بوجهيها الحكم الشرعي فيه الحكمة بوجهيها فالحكم الكوني الذي يحكم الله به على العباد له حكمة وكونه على هذا الوجه هذا حكمة وكونه له آية حميدة هذا له حكمة أخرى. Et en arabe, c'est vraiment bien détaillé. Cheikh Ibn Al-Athaymeen souligne bien cela. C'est pour cela qu'il dit que tout ce qui se passe dans cet univers est lié à un objectif louable. C'est ça qu'il faut savoir. C'est lié à une sagesse. Donc il y a une sagesse en tout. Même si pour nous, certaines choses, à nos yeux, et par rapport à notre compréhension et notre conception des choses, parfois certaines choses, elles peuvent apparaître à nos yeux mal. Et parfois on ne peut ne pas les comprendre et ne pas concevoir la sagesse qu'il y a derrière cela. Mais sachez que pour sa part, Allah Jalla wa Ala, chaque chose qu'il a décrétée et qui se produise dans cet univers, eh ben, il y a une sagesse qui est immense et découle de cela un objectif louable. De ce fait, Cheikh Ibn Uthaymeen va illustrer cela avec des exemples. Écoutez bien les exemples qu'il nous donne, par exemple. Par exemple, il peut se produire sur Terre, dans cet univers, parfois, par rapport aux positions géographiques et par rapport à certaines régions et par rapport à certaines contrées du monde, par exemple, parfois se produisent des sécheresses, parfois la disette, parfois la famine, parfois des fortes et intenses chaleurs. Donc sur Terre, il dit, il se produit des choses. Il peut se produire la corruption, le mal, l'injustice. Vous avez vu, tout ça, ce sont des choses qui, à nos yeux, parfois on ne va pas concevoir la sagesse et le bien derrière cela. À nos yeux, il y a la sécheresse, la disette, la famine, comme on l'a dit précédemment, se produit sur Terre la corruption et le mal et l'injustice, la désobéissance, la mécréance, l'associationnisme. Donc il se produit des choses sur Terre dont nous, parfois, on n'a pas la connaissance de la sagesse qu'il y a derrière tout cela. Et on n'a pas la connaissance de l'objectif voulu derrière tout cela. Par rapport à notre conception des choses parfois qui est limitée. Et pour cela, Cheikh Ibn Uthaymeen, il nous dit, après qu'il nous ait cité ces exemples, il va nous citer par exemple dans un verset où Allah dit « Zahara al-fasadu fil barri wal-bahr » que le mal et la corruption s'est produit est apparu aussi bien sur terre qu'en mer. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu. Regardez Allah Jalla wa Ala, qu'est-ce qu'il dit? C'est un verset qui est immense. C'est dans la sourate Les Romains, le verset 41. Donc Allah Jalla wa Ala nous dit dans ce verset, Zahara al-fasadu fil barri wal bahr, que le mal, la corruption s'est produite aussi bien sur terre que en mer. Quelle est la cause? Bima kasabat aydin nas. Et ce mal qui s'est produit sur terre et en mer, Allah Jalla wa Ala nous dit que c'est la conséquence de leurs actions, de ce qu'ils ont fait. Mais Allah Jalla wa Ala va faire une précision à la fin du verset. Et c'est sur ça que va insister Cheikh Ibn Uthaymeen pour bien qu'on puisse comprendre. Allah va donner une précision. Après qu'Allah Jalla wa Ala nous dit que le mal est le fasad, les troubles, si vous voulez, le mal, la corruption, alors qu'elle s'est produite sur terre et qu'elle s'est produite en mer. Et la cause de cela, ce mal, c'est la conséquence des actions des hommes, de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont, ce qu'on appelle kasabat, c'est-à-dire c'est l'acquisition de leurs propres mains, lorsqu'on traduit d'une manière littérale. Après qu'Allah Jalla nous fait part de la réalité de ce qui s'est produit, Allah Jalla va nous dire une chose très importante. Et Cheikh Ibn Uthaymeen va insister sur cela. Allah va dire, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, pour qu'il leur fasse goûter de ce qu'ils ont fait. Et lorsqu'Allah a cité bard, c'est-à-dire quelques de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire pas tout ce qu'ils ont fait, mais de ce qu'ils ont fait en quelque sorte, de manière littérale. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymeen va insister sur la fin du verset. Pourquoi? Parce qu'à la fin du verset, alors qu'Allah Jalla wa Ala nous informe que ce mal s'est produit sur terre et en mer, à cause de ce qu'ont fait les gens, donc c'est la conséquence de leurs actions, Allah va nous dire pour. Donc il va nous donner la raison. Donc la sagesse de cela. Pourquoi Allah a permis cela? Puisque rien ne se produit dans son royaume sans qu'Allah Jalla wa Ala l'ait voulu et sans qu'Allah l'ait permis. Pourquoi Allah a laissé cela et a permis cela? Subhanahu wa ta'ala. Allah nous donne la raison. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, pour qu'ils leur fassent goûter de ce qu'ils ont fait. إِذَنْ هَذَا الْفَسَادَ الَّذِي سَبَّبَهُ مَا كَسَبَتْ أَيْدِينَا لَهُ غَايَةٌ حَمِيدَةٌ. Donc, ce mal qui est la conséquence de l'acquisition de ce qu'ont fait les gens, la conséquence des actions des gens. Derrière, il y a un objectif louable et un but, une sagesse Quelle est cette sagesse? Allah le dit à la fin du verset, La'allahum yarji'un, pour que les gens puissent revenir. Regardez la sagesse d'Allah. Pour que les gens puissent revenir. Si les gens ne voient pas les mauvaises conséquences de leurs actions, ils ne voient pas le mal de leurs actions, que ces actions ont été la cause de la corruption qui s'est propagée sur terre et en mer. Si les gens ne voient pas cela, ne voient pas les mauvaises conséquences de leurs actions et ce qu'ils ont acquis, alors s'ils ne voient pas cela, alors ils ne peuvent pas revenir sur cela. Ils ne peuvent pas ouvrir les yeux et se réveiller de cela. Alors Allah Jalla leur fait voir cela. Et Allah Jalla nous dit, Zahara al-fasad, donc ce fasad s'est produit sur terre. À cause de qui? De ce qu'ils ont fait, de ce que les hommes ont fait. À cause de leurs mauvaises actions, ce fasad-là, ce mal-là qui s'est produit sur terre, Allah Jalla nous dit, c'est les conséquences de leurs actions. Mais Allah Jalla nous dit, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Peut-être qu'ils reviendront. Donc regardez le but de cela, peut-être qu'ils reviendront. Liyudhiqa ba'd alladhi 'amilu, liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Idhan. Regardez, pour cela, Cheikh Ibn Uthaymeen va conclure en disant une très belle parole et nous on va conclure avec cela. Pour bien qu'on puisse comprendre. Et conclure avec une très belle conclusion. Fakullu ma qada Allahu azza wa jalla ala al-ibadi min mihan wa masa'ib wa qital ayu shay'in fa inna ghayatahu hamida. Al-ghayatu minhu hamida hatta law kana fi al-halak wa al-damar fa inna al-ghayata fihi hamida لأن المصابين بهذا لهم أجرهم عند الله وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات مع الصبر والاحتساب الذي لم يصابوا يتخذون من ذلك عبرة فيرجعون إلى الله عز وجل. هذه c'est très belle parole, une très belle conclusion ici. Il dit c'est pour cela que tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a décrété dans cette vie d'ici-bas pour ses serviteurs, que ce soit les épreuves, que ce soit certains malheurs, que ce soit vraiment des choses affligeantes, des malheurs comme Al-Qital et autres. Et nous, regardez, on va même donner comme exemple, puisque tout à l'heure, on a donné l'exemple de la sécheresse, de la disette, de la famine, on va, les fortes chaleurs, par exemple, des pluies diluviennes, des choses qui sont pour nous des malheurs et des choses qui sont pour nous des épreuves. Derrière tout cela, il y a une grande sagesse. Et il y a un objectif louable, Cheikh nous dit. Et on va donner un exemple, par exemple, qui nous convient en ces jours-ci et en ces temps-ci, par exemple, l'épidémie. Une épidémie, c'est une épreuve à nos yeux. À travers l'épidémie, c'est vraiment c'est une épreuve. Regardez, les gens sont confinés chez eux, les gens sont éprouvés. Certains sont éprouvés maintenant financièrement, économiquement, au niveau des foyers, au niveau des sociétés, au niveau des différentes nations. Donc, il y a des maintenant, ça peut. Il peut résulter de cela des problèmes économiques ou autres, mais regardez, derrière tout cela, derrière ces malheurs, qui pour nous, à nos yeux, hein, ce sont des malheurs, derrière tout cela, il y a un grand bien. Quel est ce grand bien? Comme Allah dit dans le verset, pour que les gens puissent revenir. Allah, Jalla wa Ala, il nous éprouve pour qu'on puisse réaliser que parfois certaines épreuves, elles sont dues à nos négligences. Elles sont dues à nos erreurs, à nous. Allah Jalla wa Ala nous dit que c'est les conséquences de ce qu'on a fait. Le mal, c'est les conséquences de notre mal. Le mal qui s'est produit sur terre, ce sont les conséquences de nos actions. Il faut que l'être humain soit responsable. Il faut que l'être humain soit vraiment, qu'il reconnaisse le mal qu'il fait. Il faut que l'être humain reconnaisse cela. Il faut que l'être humain soit honnête avec lui-même. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut reconnaître le mal que fait l'être humain dans cette vie. L'injustice, l'oppression qu'il propage sur terre, qu'il commet sur terre. Donc il y a des êtres humains qui propagent et qui font du mal, qui sont acteurs du mal. Et pour cela, Allah Jalla wa Ala nous fait montrer les conséquences de ce mal. Et le but de cela, parfois, eh ben, c'est qu'il va nous éprouver. Et parfois, il peut hâter le châtiment ici-bas. Par exemple, la sécheresse, la disette, la famine, les épidémies, par exemple, cette pandémie, par exemple, Pourquoi? Le but de quoi? De se réveiller. Et Allah dit dans le verset pour qu'il revienne. Vous avez cette sagesse immense, cet objectif immense, alors que l'être humain ne va pas voir cela. Regardez aujourd'hui, en période de pandémie, combien de gens, même si ce n'est pas tout le monde, parce qu'il y a des gens qui restent sur leur mécréance et sur leur incrédulité, il y a des gens qui ne veulent pas se réveiller de leur coma, il y a des gens qui veulent rester dans leur mécréance et dans leur incroyance. Mais combien de gens se sont réveillés? Combien de gens sont sortis dans leur coma? Combien de gens se sont repentis? Combien de gens ont reconnu, ont été honnêtes envers eux-mêmes et avec leur Seigneur, ont reconnu leur faute? Combien de gens aujourd'hui ont pu se repentir? Combien de gens ont amélioré leurs actions? Combien de gens, par exemple, ont amélioré leur relationnel qu'ils avaient avec leur famille, avec leurs enfants, avec leurs proches? Regardez, donc, pour nous, cette pandémie, par exemple, je donne cet exemple, parce qu'on vit ça en ce moment, à nos yeux, parfois, on ne voit pas le bien, mais derrière, il y a un grand bien. Et Cheikh Ibrahim, regardez, et je conclue avec cela, ce n'est pas tout parmi les sagesses. Donc, il dit le but, il y a un objectif, une sagesse immense de la part d'Allah, pour que les gens reviennent, pour qu'ils se réveillent et qu'ils se repentent. Donc, en cela, il y a un objectif qui est vraiment louable et bon. Mais derrière tout ça, regardez. Regardez aussi parmi les objectifs ici à travers les épreuves. أن المصابين بهذا لهم أجرهم عند الله. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui vont être victimes de ces épreuves, par exemple, ceux qui vont être victimes, par exemple, de la disette, de la famine, ceux qui vont être victimes de la sécheresse, ceux qui vont être victimes, par exemple, de guerre, et ça peut vous faire comprendre maintenant certaines choses qui se sont produites dans le passé, dans l'histoire, ou même à notre époque. Parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ceux qui sont victimes d'oppression, d'injustice. En l'occurrence, ceux qui sont victimes de la pandémie et de cette épidémie, par exemple. Ceux qui mourront, par exemple, avec des épreuves qu'on vit, nous, à l'heure actuelle, pour qu'on puisse bien comprendre cela et que ça soit bien illustré. Ceux qui meurent, par exemple, de ce virus, de ce qu'ils appellent le coronavirus, par exemple. Regardez ce que nous dit Chir ici. Il nous dit, ils auront une grande récompense. Parmi les sagesses immenses aussi, et parmi les objectifs louables, c'est que Allah, Jalla Wa'ala, va les rétribuer pour cela. Regardez. فَبِهَذَا لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ. Pour cela, ils auront une récompense qui est immense, inestimable. On ne peut même pas s'imaginer cela. Il dit, il y aura l'expiation de fautes. Il y aura darajat, le fait qu'ils seront élevés en degrés, ceux qui sont touchés par cela. Et le fait qu'ils vont avoir un rajout de bonnes actions par rapport à leur patience et par rapport à leur désir et leur envie d'atteindre la rétribution et la récompense. Par contre, regardez, par contre, ceux qui ne vont pas être touchés. Donc, regardez, ceux qui sont victimes du malheur, par exemple, ceux qui sont touchés, par exemple, par la famine, la sécheresse, et ceux qui sont touchés, par exemple, par ce virus et la pandémie, ils auront une grande récompense auprès d'Allah, inestimable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchissez bien sur cela. Chaque épreuve qui vous touche, si vous patientez, vous endurez, vous espérez la récompense, vous serez rétribué pour cela. Par contre, la personne, lui, qui n'a pas été touchée, regardez, Cheikh Ibrahim, c'est très pertinent ce qu'il nous dit. Par contre, il y a des gens qui ne vont pas être touchés par ces malheurs, qui ne vont pas être victimes du malheur. Ils vont être épargnés, si vous voulez, du malheur. Qu'est-ce qu'ils ont, eux? Quelle est la sagesse derrière tout ça? Quel est l'objectif louable derrière tout ça? Fala allahum yarji'un. Et bien, eux, pour eux, ça sera une leçon. Et peut-être de cela, ils vont tirer leçon. Et peut-être ils reviendront donc vers Allah lorsqu'ils vont tirer leçon de tout cela. Donc, regardez, il y a des épreuves. Il y a des choses qui se produisent dans cet univers. Allah, Jalla wa'ala, du fait qu'il en est le grand régisseur, Allah a le pouvoir absolu sur tout cela. Sachez qu'Allah, quand il est le tout-puissant, Allah aussi, il est le sage. Allah est celui qui détient la sagesse absolue et infinie. C'est pour cela, maintenant, on comprend l'association qu'il y a entre les deux termes, que ces deux termes, ces deux noms sublimes, Al-Alim ou Al-Hakim, soient souvent dans le Coran mentionnés et évoqués d'une manière conjointe. Ils sont liés les deux termes. Parce qu'Allah est le tout-puissant. Subhanahu wa ta'ala. Il a le pouvoir d'une manière absolue sur cet univers. Et Allah, Jalla wa'ala, il a la sagesse. Il n'y a rien qui se produit sans une sagesse. Et de ce fait, lorsque le croyant est conscient de cela, il va toujours garder une bonne opinion, un bon soupçon envers Allah, Jalla wa'ala, et il va toujours se remettre en cause, faire son autocritique. C'est ça qui est demandé. Les épreuves nous permettent de faire l'autocritique et de revenir vers lui. Si la personne, par exemple, a été victime de l'épreuve, par exemple, il va mourir de ce virus, par exemple, et de cette épidémie, alors Allah lui promet une grande récompense. Et comme on avait dit dans les assises précédentes, la personne, il a le martyr. Il est mort en tant que martyr, même s'il n'a pas le statut de martyr dans cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire il n'a pas les règles du martyr. On le lave et il va être enveloppé dans un linceul, mais dans l'au-delà, ensuite, il est martyr. Il a le statut et le rang de martyr. Il faut bien le comprendre et le concevoir. Cela, c'est très important. Donc, cette personne qui est victime, il est martyr. Il a une récompense. Il sera élevé en rang. Rif'at darajat, comme on dit, il sera élevé en degré le jour de la rétribution. Et Allah lui réserve une récompense inestimable. Notre conception ne peut concevoir cela parce qu'elle est limitée. Et ceux, par exemple, qui vont être épargnés de cette épreuve, eh ben, eux, Allah, Jalla wa Ala, cette épreuve-là qui donne, ça nous permet, il y a un bien, une sagesse derrière, ça nous permet de revenir à lui, ça nous permet de nous réveiller, de sortir de ce coma, de faire cette autocritique, hein, de s'autocritiquer, de faire ses comptes le soir. Et comme nous disait, dans cette très belle parole, il nous est dit, il vaut mieux se faire les comptes dans cette vie d'ici-bas avant qu'on va rendre les comptes. Donc, rendez-vous les comptes ici-bas, hein, avant que vous allez rendre compte dans l'au-delà. Il faut faire son autocritique. Et ces épreuves-là nous permettent de faire l'autocritique. Et Allah, Jalla wa Ala, nous le dit dans le verset, la'allahum yarji'un. Peut-être qu'ils reviendront. Et voilà, on va conclure avec ça. Cheikh Al-Athaymeen a conclu vraiment, a dit Eden. Et vraiment, il nous a expliqué avec ce verset vraiment, vraiment convenait, hein, selon la circonstance et ce qu'on était en train d'expliquer. Ce verset-là, il faut vraiment l'apprendre et vraiment le comprendre. Et vous avez vu, Allah, Jalla wa Ala, sa miséricorde, car il est le tout miséricordieux, Allah veut pour nous qu'on revienne. Allah veut pour nous qu'on réagisse, qu'on se réveille, qu'on avoue nos déficiences, qu'on avoue nos erreurs. Il faut arrêter de se cacher, d'être hypocrite, de se voiler les choses. Il faut arrêter. Il faut avouer ses erreurs. Et le problème de beaucoup de gens, leur malheur, c'est qu'ils n'avouent pas leurs erreurs. Ils n'avouent pas leurs fautes. Et là, ce sont des situations où la personne, il peut s'autocritiquer, il peut revenir sur ses fautes, il peut revenir à Allah, Jalla wa Ala, et demander le pardon à son Seigneur, et Allah lui pardonnera. Wallahu a'lam, wa billahi at-tawfiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك